Chapitre 33e. Turquoise parlait avec véhémence, et chacune de ses paroles, habilement calculées, entrait au cœur de Fernand Rocher comme une pointe de couteau. Cette femme, qui venait d'être si profondément humiliée, avait un certain droit de tenir un pareil langage. Du moins, Fernand le pensa naïvement et demeura foudroyé. Mais lorsqu'il arrive un homme d'aimer une de ces créatures déchues aussi violemment que notre héros aimait Turquoise, il n'est pour lui ni raisonnement ni logique. Fernand se mit à genoux et se prit à sangloter comme un enfant. Alors Turquoise lui murmura à l'oreille. « Vous ne voulez donc pas me quitter et renoncer à moi ?»« Non, car ce serait mourir. »« Eh bien... » Elle s'arrêta sur ce mot, et ce mot fut pour Fernand comme ce coin de ciel bleu qui apparaît aux naufragés durant la tempête. « Eh bien ? » fit-il anxieux. « Eh bien ? » reprit-elle. « Si vous acceptez mes conditions, toutes mes conditions, peut-être, consentirai-je. »« Oh, parlez, parlez, j'accepterai tout. »« Mon ami, » reprit Turquoise d'une voix grave et douce à la fois. « Avant de me jeter à corps perdu dans le gouffre où vous me voyez plonger, j'ai été une femme honnête. J'ai été de ce monde qui me repousse aujourd'hui. À 16 ans, on m'a fait épouser un vieux mari, un vieillard éhonté qui a perdu ma jeunesse. Il a dissipé une à une mes illusions. Cet homme a dévoré ma dot à peu près entière. Cependant, le jour où j'ai fui de chez lui, j'ai pu emporter un modeste capital, tristes épaves de mon naufrage, 10 000 francs. Turquoise articula ce chiffre du ton orgueilleux d'un millionnaire qui calcule sa fortune. « Ces 10 000 francs, poursuivit-elle, je les possède encore. Ils me rapportent 500 francs de rente. Cette somme est à moi. » Mon ami, bien à moi, et n'a pas une origine honteuse. J'en ai laissé depuis 4 ans accumuler les revenus, ce qui fait que je possède en outre 2 000 francs. « Eh bien ?» demanda Fernand, qui ne comprenait pas. « Eh bien » reprit-elle, « mais c'est une fortune, cela !» Puis elle lui prit la main, le sourire revint à ses lèvres, et eut la physionomie mutine d'une petite fille qui dit naïvement ses premières espérances d'amour. « Comment ? Vous ne comprenez pas, mon ami ? Alors écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de femmes à Paris, de braves ouvrières, qui vivent de leur travail et s'estimeraient bien heureuses d'avoir la moitié de ce que je possède. Moi, j'ai été élevée à Saint-Denis. J'ai appris à broder, à faire de la tapisserie. Je puis gagner 3 francs par jour, c'est-à-dire 1 000 francs par an, ce qui, joint à mon revenu, me fera 1 500 francs de rente. Ah ! S'écria Fernand. « Vous, mon enfant, vous vivriez avec 1 500 francs ? Oh, jamais !»« Et je serais si heureuse encore, si heureuse de posséder l'amour de mon Fernand bien-aimé. Mais, » acheva-t-elle avec un élan d'enthousiasme, « tu ne comprends donc pas que je pourrais t'aimer alors, t'aimer librement ?» Fernand se taisait et baissait la tête. « Mon bien-aimé, » poursuivit Turquoise, « ta petite Jenny a une volonté de faire. Ceci est à prendre ou à laisser, ou nous allons nous dire un adieu éternel, et j'entrerai dans un couvent ce soir même. » Fernand frissonna. « Ou vous m'obéirez, monsieur, et ferez tout ce que voudra, Jenny. »« Soit, » murmura-t-il, vaincu. « Alors tu vas être obéissant sur le champ, n'est-ce pas ?»« Que faut-il faire ? » demanda-t-il, dompté. « Il faut rentrer chez vous, rue d'Isly. » Le jeune homme tressaillit et songea à Hermine, qui sans doute le pleurait déjà comme mort. « Ensuite, tu reviendras ici demain matin. »« Mais, » voulut objecter Fernand. « Il n'y a pas de mais, je le veux. » dit-elle en frappant le parquet de son joli pied et fronçant ses blonds sourcils. Et comme il insistait encore, elle eut la persuasive éloquence de la femme dans toute sa puissance séductrice, et il consentit à s'en aller. « Ah, enfin !» murmura Turquoise lorsqu'il fut parti. « Décidément, je le tiens. Et il sera demain en passe d'entamer son magot pour moi. Oh, les hommes, quels niais !»